La doctrine d'Al-Albani, la vérité en face. Il n'est pas le muhaddith du siècle, mais bien le muhaddith innovateur du siècle. Et pas un revivificateur de sunna, mais bien un revivificateur de zandaqa. Al-Albani fut interrogé comme on l'entend dans sa cassette, Al-Kufr Kufran. Question. On rapporte certains récits d'après certains imams et certains compagnons, comme Khalid ibn al-Walid et certains imams comme Ahmed, sur la mécréance de celui qui insulte Allah ou le messager, et voyait cela comme une apostasie. Est-ce que ceci est absolument vrai? Al-Albani. Nous ne pensons pas que c'est absolument vrai, car il se peut que cette insulte soit la conséquence de l'ignorance et d'une mauvaise éducation, voire d'insouciance. Ou alors, en dernier, cela peut être volontaire et en connaissance de cause, et dans ce cas, c'est bel et bien une apostasie, sans aucune confusion. Mais s'il est possible que cela soit pour une des autres raisons que j'ai mentionnées, alors il est plus important dans l'islam de prendre ses précautions pour juger mécréant quelqu'un que de se précipiter. Et il fut interrogé dans Al-Fatawa d'Al-Albani à la page 583-584. Au sujet de certaines choses que les gens commettent, particulièrement dans notre pays, des choses impies que nous trouvons bien plus dangereuses que ce à propos de quoi nous parlions, à savoir le fait d'insulter la religion et le Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans nos groupes qui insultent la religion et le Seigneur, mais qui prient. Mais ceci est une mécréance? Al-Albani, décris-moi cette mécréance de laquelle tu parles. Le questionneur, elle n'est pas moindre que la mécréance? Al-Albani. C'est complètement différent. Je crois que ceux de qui proviennent ces termes impies, laisse-moi appeler cela par son nom, nous entendons qu'ils font toujours suivre cela d'une demande de pardon à Allah. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont besoin d'être frappés avec un bâton deux ou trois fois, et après il ne redira plus jamais ses propos impies. Je veux dire que ceci est de la mauvaise éducation. Et c'est dû à l'absence de gouverneurs qui appliquent ce qu'il se doit comme éducation islamique des musulmans d'après la loi de leur seigneur. Fin de citation. Et il dit dans la cassette Al-Kufr Kufran. Il faut faire la distinction entre la mécréance gestuelle et la mécréance du cœur. Nous n'avons jamais rien vu dans la loi islamique comme texte qui indique clairement que celui qui croit en ce qu'Allah a révélé puis ne pratique rien de ce qu'Allah a révélé soit mécréant. Et il dit aussi, les salafs firent une différence entre les actes et la foi, et considère les actes comme une condition complémentaire de la foi, et non une condition de validité, contrairement aux khawarij. D'après Al-Albani, insulter Allah par mauvaise éducation ou par ignorance n'invalide pas la foi en Allah ni l'islam. Deuxièmement, d'après Al-Albani, celui qui insulte Allah a juste besoin de deux ou trois coups de bâton, alors que les musulmans sont unanimes pour dire qu'on lui tranche la tête. Mais il divergent sur la question de savoir si on accepte son repentir ici-bas. Troisièmement, d'après Al-Albani, celui qui n'adore pas du tout Allah de son corps, qui ne concrétise pas l'ordre d'Allah, adorez-moi, mais reconnaît juste être obligé de le faire, c'est un musulman. Ibn Taymiyyah rapporte dans son ouvrage Minhaj Sunnah, volume 5, page 251, la parole de l'imam Shafi'i. Je préfère dire quelque chose où l'on me dira « tu t'es trompé » que de dire quelque chose où l'on me dira « tu as mécru ». Et il rapporte dans Majmou' Fatawa, volume 7, page 209. Hanbala dit « El-Humaydi nous a raconté « j'ai appris qu'il y a des gens qui disent « celui qui reconnaît la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, puis ne pratique rien de cela jusqu'à sa mort, ou bien prie dos à la Qibla toute sa vie jusqu'à sa mort ». C'est un croyant qui a une faible foi tant qu'il ne renie pas et qu'il sait que sa foi réside dans l'abandon de cela et qu'il reconnaît les obligations et la prière vers la Qibla. Je dis, ceci est la mécréance évidente. Et cela contredit le livre d'Allah, la sunna de son messager et les savants musulmans. Allah a dit, et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah en lui vouant la religion pure. Et Hanbal dit, j'ai entendu Abu Abdillah Ahmed Ibn Hanbal dire « Celui qui a dit cela a mécru en Allah, a réfuté son commandement et l'enseignement du messager. » Ce récit est également rapporté dans « Sunna d'Al-Khalal » numéro 1027. La prétention d'Al-Albani que l'adoration d'Allah dans les actes n'est pas une condition de validité de la foi et que l'abandonner n'annule pas la foi est une mécréance évidente qui fait sortir de l'islam. Et ceci est rapporté de l'imam Humaydi Ahmad ibn Hanbal, mais aussi d'Al-Waqi' ibn Jarwah, et autres que ses salafs. Quant à la prétention d'Al-Albani que l'ignorance est une excuse pour celui qui insulte Allah, sache que les sunnites sont unanimes pour dire qu'il n'y a aucune excuse par ignorance pour celui qui adore un autre qu'Allah. Alors que penses-tu de celui qui insulte Allah? Et trouve-moi une seule personne qui, après avoir prononcé les deux attestations de la foi, ignore qu'il n'est pas permis d'insulter Allah. Trouve-moi même un juif ou un chrétien qui ignore qu'il est interdit d'insulter le Créateur. J'irai même plus loin, trouve-moi un seul athée qui ignore que les religieux interdisent d'insulter Dieu. La seule excuse légale pour celui qui insulte Allah, c'est la contrainte. Car Allah a dit « sauf celui qui est contraint alors que son cœur est serein sur la foi ». Quant à l'excuse de la mauvaise éducation, elle est totalement fausse. Il n'y a absolument aucune preuve que la mauvaise éducation est une excuse dans la mécréance, que ce soit un verset du Coran, un hadith ou même l'avis d'un savant estimable. Et si la mauvaise éducation était vraiment une excuse dans la mécréance, alors les juifs, les chrétiens et les idolâtres, tous seraient excusés, vu qu'ils ont été éduqués sur la mécréance par leurs parents. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout homme naît sur l'instinct islamique, et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen. D'après Al-Albani, celui qui insulte Allah n'est mécréant que s'il considère son insulte permise et a conviction de son insulte, et non uniquement celui qui insulte en connaissance de cause comme il le prétend. Car le mal éduqué insulte Allah, le fait en connaissance de cause, et non pas par insouciance. Abd al-Rahman ibn Nasser al-Barrak a dit dans son pamphlet « Jawab fil iman wal nawaqid » quant à la question « Est-ce que la mauvaise éducation peut être une excuse pour celui qui insulte Allah ou son messager ? La réponse est, insulter Allah ou son messager est parmi les annulations claires et évidentes de l'islam, car c'est du mépris envers Allah et son messager, car cela annule ce qu'impliquent les deux attestations comme glorification d'Allah et de son messager. Et la mauvaise éducation n'excuse en rien une personne responsable pour délaisser une obligation, ni pour faire une interdiction, et encore moins pour commettre une catégorie de mécréance envers Allah. Et s'il était vrai que la mauvaise éducation soit une excuse pour ce genre de choses, les juifs et les chrétiens et autres que seraient alors excusés pour leur judaïsme, christianisme, etc. Et un musulman ne dirait pas une telle chose. Et celui qui prétend cela est un mécréant. On lui enseigne la chose et lui demande de se repentir. Et s'il ne se repentit pas, il est obligatoire de le mettre à mort pour apostasie. Fin de citation. Ibn Taymiyyah rapporte dans son ouvrage « Serim al-Masloul » à la page 513. Mohammed ibn Sahnun, l'un des imams de la doctrine de Malik à une époque proche de ce groupe, a dit « Les savants sont unanimes que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le rabaisse, c'est un mécréant et la menace d'Allah se réalisera sur lui ainsi que le supplice. Quant à son verdict d'après la communauté, c'est la mort. Et quiconque doute de sa mécréance ou de son châtiment est mécréant. » Si tu sais que la cause de la mécréance de celui qui insulte Allah est le mépris d'Allah, que penses-tu de celui qui croit que celui qui insulte Allah mérite juste deux coups de bâton? Est-ce là une personne qui vénère Allah? Et ceci n'est qu'un bref aperçu de la doctrine d'Al-Albani, mais elle suffit déjà à nous mettre en garde et à nous rendre compte que ses avis au sujet de la foi et de la mécréance nous importent peu, pour ne pas dire aucunement. S'il ne juge même pas mécréant celui qui insulte Allah et ne pratique absolument rien de l'islam, il n'est pas étonnant qu'il ne juge pas mécréant celui qui se met à l'égal d'Allah dans la législation. Pourtant, il jugea Atatürk mécréant et expliqua qu'il le juge mécréant pour avoir remplacé la loi d'Allah par ses règlements et prétendit que cet acte ne peut que provenir d'un démenti de l'islam. On peut lire dans Fatawa al-Albani à la page 263. Les musulmans n'ont pas déclaré mécréant Atatürk pour son islam, mais parce qu'il s'est désavoué de l'islam en imposant aux musulmans un régime non islamique de la tête aux pieds. Par exemple, il a mis à égalité entre l'homme et la femme dans l'héritage, alors qu'Allah dit que l'homme a la part de deux femmes. Il a aussi rendu obligatoire au peuple turc le port du chapeau. Regarde comme Al-Albani considérait le régime d'Atatürk comme étant une mécréance majeure, et considéra qu'ordonner le port du chapeau occidental invalide l'islam. Ils considèrent que celui qui insulte Allah par mauvaise éducation ou par ignorance est musulman, mais que celui qui impose le port du chapeau est mécréant. Qui va pouvoir expliquer cette folie? Pourquoi ne juge-t-il pas apostat tous ces autres régimes qui mettent également à égalité les hommes et les femmes dans l'héritage et dans bien d'autres choses, et ordonnent des choses qui contredisent bien plus que le port du chapeau?